Chapitre 3e. Le vieillard mourut à Noël et vers le mois de mars de l'année suivante, alors que, plus désemparée que jamais, Anna poursuivait son insipide existence de mondaine, ponctuée par les reproches et objurgations de Suzy, la glorieuse nouvelle arriva. Ce cher oncle, pour lequel elle avait versé tant de larmes sincères, il ne l'avait pas oublié avant de quitter la vie. Du fond de la tombe, il lui était bienfaisant. Il lui constituait cette indépendance qu'elle réclamait si passionnément. Tous ses biens héréditaires étant substitués, allaient naturellement à ses fils. Mais Joachim était, comme on l'a dit, porté à l'épargne. Il avait plu de se constituer avec le fruit de ses économies une propriété distincte du majorat où il comptait finir ses vieux jours, qu'il était libre de léguer à qui il lui plaisait, et qu'il léguait à son unique et bien-aimée nièce. Elle était seule au salon, ayant de la main un livre qu'elle ne lisait pas et essayant de se raisonner contre un découragement grandissant. « Qu'importe après tout que je vive, que je vieillisse insignifiante, inutile. Des milliers d'autres ne sont-elles pas plus à plaindre que moi? N'ai-je pas un toit, un bon lit, une bonne table, de bon feu? La vraie misère, c'est le manque de ces choses. Tous les gens raisonnables me le diront. » Elle en était là, quand le courrier libérateur lui fut présenté, présenté pêle-mêle, avec des notes de fournisseurs, des lettres quelconques par un balai de pied indifférent et impassible. Tout d'abord, elle ne comprit rien à ce qu'on lui écrivait. Les deux lettres, l'une du notaire, l'autre de la main de Joachim lui-même, étaient écrites en allemand, et l'allemand d'Anna était fort rudimentaire. Cependant, à force de relire les phrases interminables, leur sens se dégageait clairement, et le fait s'affirmait, incroyable mais certain. Le cher oncle, le généreux oncle, qui la tensait pour ses velléités d'indépendance, c'était lui qui la lui conférait. Béni, trois fois béni soit-il, il lui était mille fois plus doux de la recevoir de lui que de tout autre. Les mains tremblantes, les yeux baignés de larmes, elle relisait, sans se lasser, les lignes précieuses. L'épître était caractéristique. Puisque, avec un entêtement inconcevable, et qu'il blâmait sévèrement, Anna refusait de se marier, puisque, rebelle au conseil de ses proches, elle déployait cette obstination héréditaire, admirable chez les guerriers de sa race, mais déplacée chez la femme, dont le rôle ici-bas est d'être docile et conciliante, puisque, enfin, il lui paraissait démontrer à lui, Joachim, que, placée comme elle était au foyer troublé de son frère, Anna ne pouvait être heureuse, estimant au surplus qu'il était au-dessous de la dignité de la fille de feu sa sœur, de vivre à la charge de cette oie plébéienne, l'année d'Obs. Pour toutes ces causes, l'oncle Joachim avait résolu de rendre sa nièce indépendante de ladite d'Obs et du monde entier, en lui laissant l'absolue propriété du petit domaine qu'il s'était constitué près de Stralsund. Le bien était florissant, facile à gérer, pourvu d'un régisseur capable, qu'il l'engageait à garder, et donnait, bon an mal an, 40 000 marks. Il espérait qu'après sa mort, Anna viendrait prendre sa place à Kleinwald avec une dame de compagnie allemande, qu'elle y épouserait en temps voulu quelque bon gentilhomme du terroir, et que fixée pour toujours sur la terre de ses ancêtres maternels, elle y adopterait naturellement ses bonnes vieilles coutumes de simplicité, de travail et d'utilité, cette vie meilleure, qu'est la gloire de la vraie Hausfrau allemande. Suivait un portrait triomphant de cette Hausfrau, gardienne des bonnes traditions soumises à l'homme sans supérieur, active, frugale, dévouée, modeste, silencieuse. Opposé à un dessin satirique de la femme frivole, avec une vive exhortation de se modeler sur la première, de fuir l'exemple de la seconde. Ce fut au milieu du rire et des larmes qu'Anna acheva de lire la lettre de l'excellent homme, rire tendre, larmes heureuses. Se trouver ainsi subitement en possession du rêve réalisé, indépendance, possibilité de bien faire selon ses aspirations, lui apparaissait à la fois comme fantastiquement improbable et parfaitement naturel. Elle brûlait de pouvoir verser dans quelque oreille sympathique la tempête d'émotions contraires qui l'oppressait. Que faisait Suzy dehors si longtemps? Que ne rentrait-elle pour entendre la merveilleuse nouvelle? C'était bien la première fois que son absence pesait à Miss Estcourt. Enfin, la voiture roule sous la voûte. Suzy paraît. Anna se précipite, la joue rose, l'œil étincelant, et la pressant d'une étreinte inaccoutumée lui annonce en paroles entrecoupées l'heureux événement. Le cher oncle Joachim. Il a pensé à elle. Ah, le bon, le généreux ami. Abrégeons, fait Suzy rudement, et dites-moi sans plus de phrases ce qu'il vous lègue. Ce qu'il me lègue? Anna appuie les deux mains sur les maigres épaules de sa belle-sœur et avec un accent de triomphe. « Il me lègue une propriété qui donne annuellement 40 000 livres sterling ?»« 1 000 000 de francs, achève Suzy, subitement respectueuse. « Marc, rectifie Anna. « Oh, des marques. J'avais cru un moment. Des marques. Cela équivaut à des francs, n'est-il pas vrai ?» Tout respect s'était envolé de la physionomie de Lady Escort, née Dobbs. « Mais non, les marques valent plus que les francs. Cela frappe à peu près 2 000 livres sterling, 50 000 francs. Que dites-vous de cela ?»« Je dis que c'est maigre. » »« Où en seriez-vous, bon Dieu, tous les escortes et leurs domaines, si je n'avais apporté en dot que 50 000 francs de rente ?»« Oh, Suzy, ne jetez pas d'eau froide sur ma joie. Félicitez-moi. Dites-moi que vous êtes contente. Embrassez-moi. » Pensez donc, reprend Anna, extasiée, vous êtes débarrassée de moi. Jamais, jamais, jamais. Nous ne pensons plus à cette odieuse question de mariage. Vous ne ferez plus de dépenses pour moi. Vous ne fatiguerez plus votre pauvre chère tête à inventer des plans d'établissement pour une sotte et ingrate petite sœur. Et se jetant de rechef au cou de la récalcitrante Suzy, la charmante fille verse dans son oreille un torrent de paroles sans suite, demandant pardon pour tous les soucis, les désappointements qu'elle lui a causés, murmurant des mots de gratitude, promettant d'être à l'avenir le modèle des belles-sœurs. « Il est certain, dit l'autre, que si l'on compte ce que vous m'avez coûté, il est peu de mères qui se seraient imposées tant de sacrifices. Quant à des belles-sœurs, je demande qu'on m'en indique une seule. « Cher, chère Suzy, s'écria Anna tendrement, je vous ai mis l'obligation. » Je vais essayer de vous rendre un peu les bontés que vous m'avez témoignées. C'est à mon tour de vous choyer, de vous recevoir chez moi. Oh, pensez, revenant à l'extase, pensez à la joie de recevoir ses amis sous son toit, sous son propre toit. Sous votre toit. Où ça ? Demande Suzy pratique. Mais là-bas, j'imagine, à Kleinwald. Est-ce une condition du testament que vous y alliez résider ? Non, mais l'oncle Joachim exprime à plusieurs reprises le désir que je me fixe là-bas, que je surveille la propriété. Vous, quelle plaisanterie! Que je devienne allemande! Bonté divine! Crie Suzy, sincèrement horrifiée. Il désire que je travaille ferme, que j'adopte ce qu'il appelle la vie meilleure. Qu'est-ce que cela? Il me l'expliquait bien des fois, dit Anna d'une voix émue. Ce qu'il appelait la vie meilleure, et qu'il pratiquait sans aucun doute, c'est une existence affranchie autant que possible d'égoïsme et consacrée au service actif de ses semblables, en même temps au perfectionnement moral de soi. « Niaiserie allemande !» fait Suzy entre ses dents. « Enfin, où est situé ce Kleinwald ? Près de Stralsund. Et où est Stralsund ? Ah, voilà la question !» dit Anna, fouillant en vain ses souvenirs géographiques. « Si nous consultions Letty, à son âge, on a des choses là toutes fraîches dans la mémoire. Letty ? Elle serait plutôt prête à vous servir quelques mots d'argot qu'à savoir jamais une chose sensée. Bah, elle trouvera, en tout cas, des cartes sous sa main. C'est plus que nous ne pouvons faire. » Un domestique est dépêché dans la salle d'études, avec prière à Miss Letty Estcourt, de descendre au salon muni de son atlas. Cette requête est accueillie sans enthousiasme. « Quelle nouvelle lubie est-ce là ? » grogna la jeune écolière. « Sûrement on n'a pas le front de vouloir me faire subir un examen à cette heure indue. » Miss Leach, l'institutrice, hoche la tête avec inquiétude. Elle et son élève sont victimes de la manie ambitieuse qui souffle sur la maison, car Lady Estcourt, ayant donné le jour à un jeune forantème qui enlève à Eton tous les prix de sa classe, a décidé que sa fille suivrait coûte que coûte un si glorieux exemple. Et quoique Letty témoigne pour la conquête des lauriers classiques autant d'aversion que son frère y montre d'avidité, elle est condamnée non seulement au supplice de l'étude à haute pression, mais encore aux horreurs de l'examen chronique. Si bien qu'elle et Miss Leach passent leur vie tantôt sur la défensive en vue des assauts fréquents qui les menacent, tantôt dans l'état de dépression qui suit les invariables défaites. Letty entre au salon, l'atlas sous le bras et le soupçon au cœur, cherchant de l'œil le perfide examinateur qui d'habitude vient à elle, couvrant son mouvement d'attaque de quelques professionnels et exécrées plaisanteries. Mais seule sa mère et sa tante sont visibles. « Où est Stralsund ? » demandent-elles toutes deux, sitôt que la porte s'ouvre. La fillette s'arrête court, arrondissant les yeux. « Letty, gronde Lady Escort, après tout ce que j'ai dépensé pour votre éducation, auriez-vous le front de nous dire que vous ne savez pas où est Stralsund ?» Letty arrondit de plus en plus les yeux. « Que veut dire cet interrogatoire ? Est-ce une forme nouvelle de torture ? Et le virus d'examen a-t-il gagné jusqu'à sa jolie tante ?» L'écolière se rebiffe et jetant son atlas sur une chaise. Si c'est une colle, fait-elle maussade, j'avoue dire qu'à une heure pareille, c'est injuste. Si c'est une mystification, je la trouve mauvaise. Lady Estcourt peut obliger sa fille à faire bien les choses qui lui sont désagréables, mais elle s'est toujours trouvée impuissante à obtenir le respect soit de la paresseuse Letty, soit même du jeune prodige Ditton. « Dites tout de suite où est Stralsund !» commanda-t-elle en colère. « Dites-le nous, mignonne, ou plutôt, cherchons-le ensemble, » plaida Anna. « Vous avez fait l'Allemagne à votre dernier examen. Je suis sûr que vous la savez sur le bout du doigt. Comptez là-dessus, » fait Letty avec insouciance. « Je n'en sais plus un mot. » « Cet enfant n'a aucune ambition, » gémit Lady Estcourt. « Ce n'est pas juste, » répétait l'écolière, tout en cherchant Stralsund de mauvaise grâce. « Il devrait y avoir des lois qui interdisent de poser ce genre de questions géographiques à 7 heures du soir. » Car cette fâcheuse interruption était venue au seul moment agréable de la journée, celui où livres et cahiers enfermés jusqu'au lendemain et le souper servi, Miss Leach recommençait pour la 100e fois sur ses instances le récit palpitant de ses fiançailles. Enfin, on met le doigt sur le point cherché. Suzy a un cri de désapprobation en notant la latitude, et Anna elle-même ne laisse pas d'éprouver un peu de désappointement. Mais bon, l'oncle lui a conseillé, non pas en juin, de demeurer à Kleinwald. D'ailleurs, si le séjour n'est pas agréable, la rente le sera sans aucun doute, et c'est là l'important. Vive et joyeuse, elle rend la liberté à Letty, s'élance vers sa chambre pour y revêtir sa plus jolie toilette, et permet à la femme de chambre accomplie qui gémit depuis de longs jours sur la coiffure austère adoptée par Miss Estcourt d'imprimer à la masse dorée de sa chevelure les savantes ondulations que réclame la mode. Ne fallait-il pas se faire charmante pour se mettre d'accord avec cette heureuse fortune? Ah, que la vie est belle! Qu'allait-elle faire de tout cet argent? Beaucoup d'heureux. Quant à cela, c'était décidé d'avance. Ah, la belle chose de pouvoir faire beaucoup, beaucoup d'heureux. Car Anna, grandie dans l'opulence, mais n'ayant jamais eu un sou à sa disposition, ignorait totalement la valeur de l'argent et se croyait en bonne foi en possession du pactole avec ses 40 000 marques.